Avez-vous vu dans les médias le nouveau virus qui vous touchera? Après les poules, vaches et cochons, v'là les moustiques qui vous transmettront d'une piqûre la nouvelle grippe. Ayez peur de la vie, de la mort, à raison ou à tort. Ayez peur de tous les étrangers, de votre voisin de palier, de tout ce que vous ignorez, l'inconnu qui vous effraie, restez chez vous cloîtré. Regardez à la télé comment on s'occupe de votre sécurité. Avez-vous lu dans vos journaux ce que ce fou a fait à des marmots? C'était un maghrébin qui vivait en banlieue. Ne vous approchez surtout pas de gens comme eux. Ayez peur de la vie, de la mort, à raison ou à tort. Ayez peur de tous les étrangers, de votre voisin de palier, de tout ce que vous ignorez, l'inconnu qui vous effraie, restez chez vous cloîtré. Regardez à la télé comment on s'occupe de votre sécurité. On trouvera toujours un moyen pour nous enfermer. La peur est un moteur pour mieux nous gouverner. Ça fait des siècles que ça dure et cela n'a pas changé. Aujourd'hui il est grand temps pour de nous révolter. Ayez peur de la vie, de la mort, à raison ou à tort. Ayez peur de tous les étrangers, de votre voisin de palier, de tout ce que vous ignorez, l'inconnu qui vous effraie, restez chez vous cloîtré. Regardez à la télé comment on s'occupe de votre sécurité. Ayez peur de la vie, de la mort, à raison ou à tort. Ayez peur, ayez peur de tous les étrangers et de votre voisin de palier. Ayez peur de tout ce que vous ignorez, l'inconnu qui vous effraie, restez chez vous cloîtré. Ayez peur, regardez à la télé comment on s'occupe de votre sécurité. Les étrangers, ayez peur, voisin de palier, ayez peur, l'inconnu, ayez peur, l'ignorant, ayez peur. Les virus, ayez peur. La banlieue.